Jolie Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. La première. Il est 16h. Votre journal, Pierre-Yves Meugens, bonjour. Bonjour à tous. Cafouillage au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant les cours de gym mixtes. Ce matin, Isabelle Simonis, ministre socialiste de l'égalité des chances, elle annonçait des cours de gym mixtes obligatoires dans les écoles secondaires chez nous. Elle met la proposition sur la table. D'ailleurs, elle est à Paris aujourd'hui dans des écoles qu'ils font déjà. Seulement voilà, pour sa collègue, la ministre de l'Éducation au CDH, Marie-Martine Schinz, ce n'est absolument pas à l'ordre du jour. Elles n'en ont même jamais parlé au gouvernement. Et puis, toutefois, de toute façon, la possibilité de cours mixtes existe déjà. Il n'est pas du tout dans mes intentions aujourd'hui d'imposer une quelconque décision. La mixité, d'ailleurs, ça ne se décrète pas. Ce qui se passe dans les écoles doit, à mon sens, être laissé à la liberté et à l'autonomie des enseignants et des équipes pédagogiques en place. Aujourd'hui, il y a déjà des cours d'éducation physique qui sont organisés de manière mixte en lien avec le projet pédagogique et il n'y a aucun problème, c'est permis dans une circulaire, mais il est hors de question pour moi de venir avec une décision qui serait imposée d'en haut, centralisée, ce n'est pas du tout mon style. On peut parler donc d'un effet d'annonce. Voilà, je laisse à Mme Simonis le choix de ses positions. Je trouve regrettable qu'il n'y ait pas eu de concertation parce que ça reste une compétence qui fait partie de mon champ d'action et moi je travaille, et j'ai pour habitude de travailler avec les acteurs de terrain et je compte continuer comme ça, notamment dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence. Marie-Martine Schinz au micro d'Alison Delpierre. Les cours de gym mixtes obligatoires, c'est donc pas pour tout de suite. Gros embarras de circulation sur le rail à proximité de la gare du Midi à Bruxelles. Le trafic des trains a été interrompu dans la zone de Halle en raison d'une rupture de l'alimentation électrique vers 15h. Plusieurs trains ne pouvaient pas quitter la gare de Bruxelles Midi, notamment ceux vers Tournai, Braine-le-Comte et Mons. La ligne rapide vers Paris a également été interrompue un moment, tout comme le contournement est de Bruxelles, la fameuse ligne 26. Une coupure de l'alimentation électrique empêche l'approvisionnement des signalisations dans la zone de Halle. Par précaution, les trains sont mis à l'arrêt. La durée de la coupure n'est pas connue. La situation pourrait donc devenir problématique à l'approche de l'heure de pointe, selon Infrabel. Le calvaire de la partie d'Alep, contrôlée par les rebelles, se poursuit 12e jour consécutif. Les États-Unis ont suspendu leur pourparlers avec la Russie après le bombardement et la destruction du plus grand hôpital de la ville. Et c'est maintenant une autre ville, Douma, dans la banlieue de Damas, Françoise Volmac, qui se prépare à subir le même sort que la grande ville du Nord. Oui, Douma a commencé à subir des raids intenses. Cette ville est une épine dans le pied du régime, car elle se trouve dans la province de Damas, presque dans la banlieue de la capitale. Les rebelles tiennent Douma depuis des années, et de là, ils peuvent envoyer des roquettes sur la capitale. L'armée gouvernementale, soutenue par des milices libanaises, iraniennes et même afghanes, ne se trouve plus qu'à 3 km de Douma. Les habitants se préparent au pire. Ils s'affairent à aménager des abris souterrains et stockent du matériel médical. À Alep, le secteur est de la ville est décrit comme l'enfer sur terre par l'ONU. Hier, le plus grand hôpital de la ville, connu sous le nom de code M10 pour des raisons de sécurité, a été bombardé par des avions du régime ou de son allié russe. Il est totalement inutilisable. La Russie nie viser des écoles ou des hôpitaux. La situation est à ce point bloquée que le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme voudrait qu'on limite le droit de veto pour stopper la tragédie d'Alep. La Russie et la Chine s'opposent systématiquement à toute résolution en ce qui concerne la Syrie, mais on doute que la demande du haut commissaire ait le moindre écho. La justice allemande, elle renonce à poursuivre un humoriste pour un pamphlet anti-Erdogan. Les faits avaient provoqué une crise diplomatique germano-turque au printemps dernier. Cette affaire avait pris une tournure très politique puisque la chancelière Angela Merkel avait permis, en regard du droit allemand, au parquet d'enquêter pour crime de lèse-majesté contre l'humoriste. Et puis, l'œil de l'ouragan Matthew touche les terres d'Haïti. Les autorités craignent le pire. Ces vents à plus de 200 km/h vont également frapper Cuba. Plus de 300 000 Cubains ont été évacués. De gros dégâts sont à craindre. Un homme a déjà perdu la vie. Un autre est porté et disparu. Voilà qui referme ce journal. Bel après-midi. Toute l'info est sur rtbf.be. Et je vous laisse avec Walid. Bonjour Walid. Bonjour Pierre-Yves. Retour de l'information avec vous tout à l'heure à 16h30. D'ici là, bon mardi à tous. Vous qui écoutez la première, nous sommes presque sérieux. Démarrons. Qui livre vos vins préférés partout en Belgique? CoraWine.be. Oui. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Non, si je vous parle de résurrection, c'est parce que, mal réveillé dimanche matin, je suis tombé sur cet article au titre évocateur « Lennon se marie en Italie ». C'est vrai que le pape a dit « Les règles de l'Église, il faut les prendre au mot ». Mais bon, tout de même. Après tout, le soir dans les couvents, Dieu sait ce qu'elle baragouine. On les entend pourtant déjà dire qu'on n'aurait pas vu ça du temps de Berlusconi, qu'il les aurait ramenés à la raison par la peau du cou. Enfin, lui est tellement tiré qu'il ne sait probablement plus où se trouve le sien. D'ailleurs, il a beaucoup écrit ce week-end, Rick Vandenberg, puisqu'il s'est également fondu d'une lettre adressée aux travailleurs d'ING Belgique. Lettre qui commence par « Chers collègues ». Ça aurait été plus honnête de commencer par « Chers futurs ex-collègues ». Joël Milk revient ce matin et une heure plus tard, ING supprime 3000 emplois. Mais sans Joël, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus. Alors on n'a plus vu depuis 6 mois, Milke. Mais c'est comme le rhume des foins. On l'oublie, puis ça revient. Ça, cette information, Joël Milke, le retour. Edgar Schotz, pour vous. Pardon aussi. On m'a déjà inculpé, mais jamais par derrière. Et enfin, Raoul Reyers. Eh bien, c'est Elio Di Rupo qui, dans un discours tonitruant au congrès de rentrée du PS à Soigny, écrit par les élèves de 3e langue de bois de l'école communale de Chérat-Hauteur. Le nouveau président philippin serait drogué par des témoins de Jéhovah. Explication par Adolf Hitler. Eh bien, comment est-ce qu'on pratique la chasse aux pigeons ? C'est pas compliqué. Ce n'est pas vraiment de la chasse. C'est lâcher un prédateur naturel auprès d'une population de pigeons qui va poser un problème, comme je le disais. Tant que Charles-Michel reste à Wavre, il n'y a pas un risque que les pigeons reviennent ? Il y a tout. On ne change pas les habitudes des pigeons du jour au lendemain. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. La star de la télé-réalité, Kim Kardashian, a subi une attaque à main armée dans son hôtel parisien. On lui a volé donc pour 10 millions d'euros de bijoux, dont une bague à 4 millions d'euros. Oui, avoir au doigt le PIB du Kazakhstan, ça doit être ça les valeurs occidentales. Hein. Chaque jour, en tout cas, elle fabrique des blagues à plusieurs millions de sourires. Voici vos petits orfèvres du jour. Elle fait son apparition dans cette émission, elle ne manque pas de bagouze. On dit même que l'on a à revendre. C'est Florence Mendez, bonjour. Bonjour. Tiens, il a longtemps cru que les bracelets, c'était uniquement des trucs électroniques. Hein, et lui, plutôt que de braquer les gens, il préfère les faire se braquer. C'est notre Pierre Charette. Bonjour Pierre. Bonjour Walid. On peut dire que, elle, c'est un diamant brut. Mais brut avec un E. C'est Isarelli, bonjour. Vous allez bien ? Bonjour, très bien. Tiens, des fois, à voir ses chemises, on dirait qu'il a joué au pique-moquette. C'est Vincent Flibus. Ah, c'est pas Raoul. Non, c'est une petite fourrure, là. On dirait une petite moquette. Ouais, c'est mignon. Ça vous fait un peu aviateur. Tiens, C'est les rases moquettes aussi. Tiens, dans ses rêves les plus fous, il s'imagine faire le casse-croûte du siècle. C'est Raoul Reyers, bonjour. La grande bouffe. Oui. Comment à la fin. Tiens, pour éviter un braquage, elle ne crie pas sur tous les toits qu'elle a des bijoux de famille. C'est notre assistante, hein, Carole Baquet, qui a préparé cette émission. Elle est outrée. Elle est partie. Et puis, lui, il est au platine, mais aussi en platine. C'est notre précieux Daniel Schleck qui prépare cette émission et qui réalise cette émission pour vous aussi. Merci à vous d'être comme nos chroniqueurs du jour presque sérieux. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font. Et c'est avec vous que nous en rayons sur la première. Soyez les bienvenus. C'est presque sérieux. La première. On s'intéressera au pape, le pape qui s'attaque à la théorie du genre dans les manuels scolaires. On parlera bien entendu de ce vol de bijoux avec Pierre Charette. J'ai eu très peur que vous me coupiez l'herbe sous le pied. Non, mais j'ai gardé. Je me suis dit, je vais faire toutes les mauvaises, vous allez garder les bonnes. Hein, vous avez mais il s'est passé à 10 millions hier, c'était 9 millions. Non, mais écoutez, c'est l'inflation. C'est ça, le cours de la bourse à un moment donné, ça monte, ça descend. Voilà. Vol de bijoux de Kim Kardashian donc, au menu de 7h30. Et puis on ira peut-être une fois dans l'histoire. Le futur, revue et corrigée par Cynthia Isarelli sur le retour du plein emploi. Voilà le menu de 7h30, bien entendu. Nous alimenterons cette émission avec l'actualité des presque stars qui seront avec nous. On s'intéressera également à la journée flash d'hier. Vous savez, la police a pas mal flashé. Je me suis posé flasher, c'est une question de compréhension. Oui, c'est-à-dire que c'est une question de photo. Ils peuvent flasher, mais ils n'ont pas toujours flashé. Alors, j'ai appelé la police parce que je me suis fait flasher. Ah bon? Ben vous verrez tout à l'heure. Après vous 17 leur avez heures. Parlé anglais? Non. Mais vous savez que j'ai rencontré Adjel Habib dans les couloirs. Elle m'a dit, si tu parles anglais aux policiers, je suis preneuse. Donc voilà, je lui dis non, j'ai pas parlé anglais, j'ai parlé avec un accent liégeois. Ouh. Vous allez comprendre tout il à l'heure. Très très bien. Et puis nous jouerons ensemble au qui a dit, qui aurait pu dire dans l'actualité de ce 4 octobre, elle est mauvaise pour la Flandre et la Wallonie. À vous de proposer et nous faire des propositions autour de la table à l'un ou l'une d'entre nos auditeurs qui va se sélectionner. Sans plus attendre, en envoyant ces trois lettres CPS au 6031 75 centimes message, nom, prénom, adresse, vous repartez avec un magnifique jeu aux éditions Repos Productions, la maison d'édition belge qui s'associe à C'est Presque Sérieux à la première pour vous offrir eh bien, ce jeu dans lequel vous allez pouvoir deviner pas mal de mots dans une boîte totalement relookée, plus compacte et super solide. Donc faites-vous plaisir, CPS au 6031 75 centimes le message. En attendant, voici la une du jour avec un presque nouveau jeu, tiens. Alors, on l'avait tenté la semaine dernière, on va jouer au presque acronyme. Alors, dans l'actualité, il y a un mot qu'on a beaucoup entendu, notamment ce matin dans Matin Première avec le directeur, enfin en tout cas le Chief Executive Officer, Rick Vandenberg. Voilà, c'était ce matin. L'acronyme c'est ING ? Non, c'est pas l'acronyme ING, non. L'acronyme c'est digital. Pourquoi ? Bien écoutez, simplement. Bonjour Rick Vandenberg. Bonjour. Est-ce que ce qui arrive à ING en Belgique est un moment excitant? Non, j'aurais pas dit ça, excitant. J'aurais dit digitaux. Nous sommes une banque saine aujourd'hui, on veut rester sain à l'avenir. Voilà, digitaux, donc c'est le mot digital, le au pluriel avec lequel nous allons jouer. Donc je vais vous poser des questions et chaque réponse commence donc par une lettre du mot digital. Première lettre, D, forcément, et c'est avec cette lettre que nous entamons le jeu. Je vous pose la question que voici dans l'actualité. Maquis de Bloc souhaite les contrôler pour éviter les charlatans. Avec la lettre D. Les débiles, non. Non. Les docteurs, non plus. Ils souhaitent les contrôler pour éviter dermatologues. Les dermatologues, non. Les détournements de mineurs. Les durites, non plus. Compliqué. Les gynécologues. Non, quand, à la fin de vos études, vous recevez un diplôme, effectivement. La ministre fédérale de la Santé publique, Maggie De Bloc, qui entend donc imposer aux 500 000 prestataires de soins du pays bien la tenue d'un portfolio contenant leurs diplômes et leurs certificats. C'est vraiment une des infos du jour. Avec la lettre I, toujours dans cet acronyme digital, quel est le nouveau fléau qui affecte l'économie mondiale? Avec la lettre I, ça commence avec I. ING, non. Les irresponsables. Le fait d'être irascible. Non. Petite bête. Les insectes, effectivement, Raoul Reyers. Les insectes qui envahissent et affectent durement l'économie mondiale. Le coût des insectes envahissant, 270 milliards de dollars. Alors, ça passe des dommages aux biens et services, de coûts en matière de santé, de pertes agricoles. Bref, les impacts des insectes envahissants sont nombreux et le résultat chiffré de cette évaluation, fait froid dans le dos. Hein. 270 milliards de dollars. Vive les bêtes, moi je dis. Avec la lettre A, toujours dans le mot... avec la lettre G. Oui, toujours. Sinon ça fait diatia. La lettre G, je ne l'ai pas, figurez-vous, ici. Je l'ai. Qu'est-ce qui va favoriser l'égalité entre hommes et femmes dans l'enseignement? C'est ce qu'on a appris. Le point G. Non. La guitare. Gargamel. C'est un cours pour favoriser la mixité, on en a parlé. La gym. La gymnastique. Ils vont mettre les enfants ensemble. Et effectivement, la ministre francophone en charge de l'égalité des chances, Isabelle Simonis, veut rendre obligatoire les cours de gymnastique mixte dans l'enseignement secondaire. C'est ce que rapporte le quotidien L'Écho mardi. Un projet, donc, dans ce sens, a été présenté au gouvernement de la Fédération Wallonne et Bruxelles, où il devra être développé avec la ministre de l'Enseignement, Marie-Martine Schinz. Vous imaginez des cours de gymnastique mixte? Tout le monde a déjà eu des cours de gymnastique mixte. Mais jamais de la vie. Non. J'étais chez les jésuites, il n'y avait déjà pas de filles. Mais est-ce que les vestiaires seront mixtes? Ah, alors, ça, c'est la grande question. Rien que pour ça, on va viser. Attends, parce que nous, c'était vraiment le garçon, il vaut au foot, les filles, vous faites de la gym. Hein. Mais je n'ai plus de souvenirs, moi, du cours de gym. Moi non plus, parce que j'y suis jamais allé. Ouais. Non, le primaire, c'était mixte, on se marrait vachement mieux. C'était du volet. Bon, toujours avec le mot digital, après la lettre G, toujours une autre lettre, la lettre I cette fois-ci, avec une nouvelle question que voici. En direct. Hein, il faut voir les passages de questions entre Raoul et Attendez, je vous pose la question. Dans quel pays un pigeon a-t-il été placé en détention? L'Inde, effectivement. C'est une nouvelle... Je vois qu'on lit tous la même chose. Une nouvelle surprenante, effectivement. Un pigeon a été placé en détention en Inde pour avoir transporté une lettre de menace à l'encontre de l'Inde. C'est ce qu'a annoncé la police indienne. Le volatile qui portait donc un message en ourdou accroché à son cou a été découvert dans la ville. L'animal restera en détention jusqu'à la fin de l'enquête. C'est ce qu'on apprend dans la presse. Il a été bagué S. Ah là, je peux vous dire, c'est phénoménal. Bon, nouvelle question, toujours avec ce mot digital et la question que voici avec la lettre T. Quel homme politique est poursuivi par Théo une Franken. Feuille d'impôt? Non. Bernard Tesfal. Non. Pour avoir Eliot Hiroupo. Charles Tichel. 18 millions d'impôts, c'est ce qu'il aurait... 18 ans d'impôts qu'il n'aurait pas payé. Oui, Trump, vous avez dit, Florence, effectivement. Mystère d'une déclaration fiscale de Donald Trump. Il y a bien 18 ans qu'Electra Bell ne paye pas d'impôts. Connaissez l'astuce de Donald Trump, ce qu'il a fait? En fait, il a déclaré une perte de 916 millions de dollars. Oups. Et puis, hop, derrière, il a déduit ça de ses revenus imposables pendant 18 ans. Petite astuce. Ah ouais, Johnny Belmèche. Ah ouais, c'est comme ça. Avec la lettre A, cette fois-ci, quel est... Tiens, pour les 10 ans de son projet, il promet des révélations sur Hillary Clinton. De qui s'agit-il? Avec la lettre A, c'est Wikileaks. C'est qui? Julian Assange. Assange, effectivement, le fondateur controversé de Wikileaks. Julian Assange a promis bien de nouvelles révélations, notamment sur Hillary Clinton, qu'il accuse d'avoir peut-être commandité une attaque sur lui avec un drone. Elle aurait dit, tiens, je vais l'attaquer. Wikileaks, 10 ans, publié, qui a notamment publié plus de 10 millions de documents. Ce lanceur d'alerte, Julian Assange, 10 ans pour Wikileaks, happy birthday to you. Avec la lettre A, on l'a faite, maintenant... Vous êtes sûr que ce n'est pas anticonstitutionnellement que vous faites? Attends, parce que... La lettre L, le prénom du pilote de Formule 1 qui a déclaré quelqu'un... Lewis ne veut pas que je gagne. Lewis Hamilton. Oui, parce que son moteur est cassé, du coup, à chaque fois que... c'est pas la première fois que ça lui arrive, en plus. La lettre E, quel virus attaque à votre Facebook avec la lettre Ebola, E? Ebola. Non, pas Ebola. La lettre collective. E, c'est le nouveau virus à la mode. Ouais, j'ai vu ça. Si vous êtes au bord d'un précipice et vous criez, ça fait quoi? Écho. Écho, effectivement, écho. Je vais vous raconter cette histoire d'écho dans un instant après la lettre S. Non, il reste encore la lettre. C'était digitalos. C'était au pluriel, oui. Quel est le nouveau mode de paiement lancé par Mastercard? Vous allez pouvoir payer maintenant grâce à un truc. Super. Non, grâce à quelque chose que vous faites en règle générale sur Instagram. Vous faites des selfies. Effectivement. Mastercard lance le paiement par selfie en Belgique. Le détenteur d'une carte pourra valider un paiement sur son mobile en utilisant donc le scanner d'empreinte ou la technologie de reconnaissance faciale. 12 pays européens s'y sont mis. Il va falloir longtemps avant qu'on se fasse hacker la gueule. Ah bah voilà. Eh bien, Walid, je vous admire. Mais alors, attendez. Parce que non seulement vous faites les questions et les petits jingles à l'orgue. C'est pas vrai. En d'une main. Charlie Oleg, monsieur. Est-ce qu'on peut dire aux gens d'arrêter d'utiliser le mode digital à la place de numérique? Oui. Parce qu'à chaque fois que les gens utilisent ça, ils passent pour des débiles, alors que c'est censé être des experts. Alors, du coup, écoutez, c'est un petit peu difficile. Écoutez, revenons sur cette information. Écho, ce fameux virus. Ce fameux virus, vous avez peut-être reçu, et moi j'en ai reçu un. Je vais vous dire de qui. De Georges Lawrence. J'ai reçu, et effectivement, ce virus. Pour sortir couvert, hein, quelque part. Donc, vous recevez un message via Facebook Messenger, un lien donc envoyé par un de vos amis, et ce lien se compose de votre prénom et du mot vidéo. Alors, surtout, ne cliquez pas. C'est un virus qui se répand. Moi je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut laisser les gens cliquer pour retrouver une sélection naturelle et qu'on laisse les gens se faire avoir. Il y a des gens très bien qui ont cliqué. Ce sont sûrement des Chinois ou des Africains qui ont fait ces virus, et donc on envoie de l'argent vers eux. Mais la question, c'est pourquoi? Pour prendre un peu d'argent chez nous, c'est le transfert nord-sud. Mais comment est-ce qu'on on récupère? La question, c'est de savoir pourquoi ils le font. Comment est-ce qu'ils récupèrent l'argent? Parce qu'ils récupèrent votre tête, à mon avis. Alors, il y a simplement des petits malwares publicitaires derrière. Je ne sais pas. En tout cas, c'est du narcissisme d'ouvrir sa photo sur Facebook. Merci. Bon, soyez les bienvenus à 16h18. On a revisité l'actualité rapidement, donc avec le mot digital, pas mal de questions. On en a encore pas mal à vous poser, notamment une actualité que nous allons bien retitrer, celle de ce 4 octobre, avec les soldats britanniques qui seraient exemptés de respect des droits de l'homme. On en parle dans la presse aujourd'hui. Comment est-ce que vous pourriez retitrer cette information? Eh bien, on le fera ensemble après les informations de 17h. Et vous pouvez déjà commencer pensez à le faire sur la page Facebook de l'émission. Page Facebook où nous vous offrons deux exemplaires de ce fameux jeu aux éditions Repoprod Time's Up. Et nous allons vous en offrir un sans plus attendre. Si vous êtes tiré au sort par notre assistante Carole Baquet, nous jouons ensemble au Qui a dit. Qui aurait pu dire elle est mauvaise pour la Flandre et la Wallonie. À vous de le déterminer. Vous vous inscrivez en envoyant CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Et là, on s'intéresse au pape avec Florence Mendez qui entre dans la danse presque sérieusement. Faites-lui une ovation, elle arrive tout de suite. Abemus Papa. C'est presque sérieux sur la première avec Walid. Découvrez aussi les vérandas en aluminium de Sapa. Demandez maintenant un devis auprès d'un homme de métier à l'USAPA et gagnez une pendaison de crémaillère. Plus d'infos sur sapachassis.be. Avec Engie Electrabel, vous vivez mieux l'énergie jour après jour. Même lorsque vous rentrez de vacances par un temps typiquement belge. J'ai froid. Ah oui, mais pourquoi t'as pas pris un manteau? Mais j'en avais pas besoin, Barcelone, de mon manteau. Ah oui. Bah donne-moi le smartphone, j'ai déjà mettre le chauffage à la maison. Oh, t'es chou. Augmentez votre chauffage à distance? C'est simple avec Box, le cerveau digital de votre maison. Découvrez maintenant les avantages uniques du pack Énergie plus Box sur box2x.be. Engie Electrabel. Vivons mieux l'énergie. Bonjour chérie, t'as bien dormi? J'ai faim de ces rêves. Raconte-moi. J'ai rêvé qu'on construisait notre maison. Oh, ça c'est plutôt un cauchemar. Ah non, non, non, on pouvait choisir tous les matériaux. La maison était construite selon nos plans, dans le respect de notre budget et des délais. Ah. Mais bon, c'était qu'un rêve, quoi. Passez du rêve à la réalité avec Sibomat. Optez pour une construction sur mesure, dans le respect de votre budget et des délais. Prenez contact dès aujourd'hui avec votre conseiller en construction sur sibomat.be. Sibomat, les bons plans font les bons amis. Je comprends pourquoi cette Volvo XC60 est le SUV préféré des Belges. Oh, quelle voiture! Un système de navigation intégré, hyper clair. Parking sans stress, avec l'assistance au stationnement arrière. Et ces 8 haut-parleurs, quel son! Et avec plus de 8 000 € d'avantage, j'ai bien fait de pas hésiter. En ce moment, 8 310 € d'avantage sur la Volvo XC60. Pas étonnant qu'elle soit le SUV préféré des Belges. Rendez-vous vite chez votre distributeur Volvo. C'est moi, Hip. Je veux des petits prix. Je veux des promotions de folie. Je veux des offres de génie dans tous les rayons. Alors rendez-vous dans votre hypermarché Carrefour. En ce moment, achetez 2 jeans pour seulement... BAM 12 €. On n'a jamais vu ça. Dépêchez-vous, c'est le dernier jour pour en profiter. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. La première. Mobile Info. 16h21, retrouvons Pierre Collard-Bovy. Bonjour Pierre. Bonjour Walid, bonjour à toutes et tous. Comment allez-vous? Moi je vais bien. Et nos routes, comment vont-elles? Ça va plus ou moins bien aussi, à part quelques petits soucis quand même, évidemment, sinon je ne serais pas là. Toujours des petits problèmes de circulation dans Bruxelles, autour de la porte de Ninove. On y entreprend là de gros chantiers, donc ça coince un petit peu. On ralentit également du tunnel Arlo, tunnel Leopold II vers la Basilique. Un véhicule est en difficulté sur le 411 Namur-Bruxelles, à hauteur de Wavre. La bande d'arrêt d'urgence est neutralisée en direction de Bruxelles. Quant au ring de Bruxelles, une circulation intérieure entre Zaventem et Oulart est ralentissée vers Waterloo. Il y a des travaux et un camion en panne, donc 35 minutes perdues à l'heure qu'il est. 12 minutes pour l'extérieur Grand Bigard au titre et 12 minutes également supplémentaires pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard. Des feux en panne sur le 429 tournée à la hauteur de Halle dans les deux directions. On en a parlé dans les infos tout à l'heure. Tous les feux sont éteints suite à une gigantesque panne de courant, donc soyez prudents. Accident sur le 19 Mons-Bruxelles à hauteur de Nivelles Sud. Ça ralentit en direction de Bruxelles, et puis des ralentissements dus aux travaux sur le Ring 9, donc le petit Ring de Charleroi. La 503 vers le Ring 9 de Charleroi est fermée à la circulation, et la circulation est donc ralentie sur le petit Ring de Charleroi. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Petite annonce pour les internautes qui nous suivent via... sur le streaming de la première.be. Vous vous rendez sur la page Facebook, le 13 000e, je lui offre un Time's Up. Le 13 000e like. On est à 12 920. Ah oui. Donc dans 80 likes, j'en offre un. Donc avant 17h30, ce sera pour l'un ou l'une d'entre vous. En attendant, intéressons-nous à l'actualité avec Florence Mendez. Elle est avec nous. Elle nous donne son point de vue sur ceux qui marquent l'actualité avec leurs idées, surtout quand elles sont mauvaises. Et oui, et jusqu'ici, il était bien, François. Enfin, bien. Entendons-nous, plus sympa que Benoît XVI, dont on n'a jamais très bien su s'il faisait un sourire ou un AVC. Plus vif aussi que Jean-Paul II, qui a prouvé qu'au Vatican, seuls les oiseaux se cachent pour mourir. Mais priez, les amis, mortifiez vos chairs faibles et dégueulasses, sauvez votre âme, que diable, à défaut de sauver vos emplois. L'heure est grave, la théorie du genre a infiltré les manuels scolaires de vos enfants, c'est le pape François qui le dit. Mais papa, c'est quoi la théorie du genre, vous demandera le petit Jérémy entre son capricorne et son sachet de pépito. Eh bien fils, lui répondrez-vous de votre voix la plus virile, c'est quand une fiotte dans ton genre fait de la danse classique au lieu de faire de la boxe. Puis flanquez-lui une torgnole à ce morveux, statistiquement il y a une chance sur cinq pour qu'il soit pas de vous, ça lui apprendra à poser des questions débiles auxquelles vous n'avez pas la réponse. Oui non, parce que la théorie du genre c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. En fait c'est exactement comme les droits de la femme en Pologne, ça n'existe pas. Ce sont plutôt des études menées sur le genre pour tenter de comprendre ce qui dans notre société mène aux inégalités hommes-femmes. Et mon cul c'est du poulet, répond le pape François, persuadé que les manuels scolaires cherchent à convaincre les enfants de changer de sexe, obtenant ainsi le très responsable score de 7 sur une échelle allant de 1 à Christine Boutin. Bon alors je sais, hein, la situation semble alarmante les amis, mais rassurez-vous. Certes, dans Actimat, l'on parle de bisectrice et de transformation du plan. Mais dans la majorité des manuels scolaires, c'est toujours maman qui, après avoir repassé et cuisiné, fait une petite gâterie à papa qui regarde son match de foot une cadette de bière à la main. Ouvrons une parenthèse et intéressons-nous à un vrai problème dans l'enseignement. Problème dans lequel, pour une fois, le CDH n'est pas impliqué. Alors, il y a des études menées en sociologie et de l'éducation qui révèlent qu'un garçon issu d'un milieu socioculturel défavorisé a plus de chances que n'importe quel autre élève de doubler. Enfin, chance, c'est une question de point de vue, évidemment. Mais revenons-en à nos moutons, enfin plutôt à nos brebis. Il a quand même de l'humour, François, puisqu'au sujet de la théorie du genre, il a déclaré ceci en 2014. « On ne peut rien expérimenter avec les enfants. » J'espère que Monseigneur Van Gulu n'y verra rien de personnel. Mais non, allez, je vous vois venir, mauvais comme le pu que vous êtes. Tous les pédophiles ne sont pas prêts. Certains finissent roi de la pop ou réalisateur. Oui, je sais, elle est facile. C'est aussi ce que Woody Allen a dit en parlant de sa fille. Mais c'est en anglais. Bon, allez. Que le pape François se rassure cependant, même si ce complot bobo, franc-maçon, sans gluten, ascendant capricorne existe bel et bien, il subsiste encore une lueur d'espoir. Après tout, changer de sexe quand on est homosexuel permet de rétablir l'équilibre. Pour faire un sort à tous ces gays, transgenres, stars des années 80 et autres déviants, c'est quand même plus facile que de faire pleuvoir du soufre et bien meilleur pour l'environnement. Allez Franz, sans rancune, bon baiser de Sodome et Gomorre. Ah ben, vous commencez bien vous. Hein. Merci. Vous commencez bien. On va parler de vous dans 10 ans, vous allez voir. Souvenez-vous, hein, votre première, on l'a faite ici. Hein. D'accord, ouais, merci. Ça veut dire qu'il prend 10% pour la suite de votre vie. Voilà. Elle a déjà signé son contrat. Oui, pas encore, je crois. Tiens, c'est à vous, Raoul, justement. Ah, c'est parti. Hé, hey, Raoul, ça fait du bien. Petite histoire rapide. D'un côté, vous avez un vieux monsieur, 68 ans, millionnaire et divorcé, donc libre. De l'autre, une jeune femme de 24 ans, à la recherche d'un véritable amour et adepte des sites de rencontres. Et c'est grâce aux sites de rencontres qu'ils se sont rencontrés. C'est beau. Ils se marient et un jour, ils ouvrent les albums photos de leur famille. Et ils se voient tous les deux dedans. Et Bardaf, c'est leur barbé. Ils se rendent compte que le vieux monsieur est le grand-papa de la petite fille. Oh non ! Eh oui. C'est des Belges ? Non, ça se passe en Floride. Ah, alors, ça va. C'est juste bête parce que papy avait justement gagné le gros lot au loto. Ah non ! Si, et comme quoi, l'argent ne fait pas le bonheur. Et hein, donc, Donald ? Et donc, ils ont fait quoi ? Ils se sont séparés ? Je sais pas, c'est en cours. Oh là là là là, histoire glauque. Merci Raoul pour cette petite histoire d'amour romantique sur un air de piano bien connu, bien entendu. L'amour n'a pas d'âge. Love story. On va s'intéresser à l'actualité sérieusement. À 16h30, les informations vues par Pierre-Yves Muggens qui vous informera. Et nous, on s'intéressera à l'actualité de ce 4 octobre avec une phrase dans la presse du jour. Elle est mauvaise pour la Flandre et la Wallonie. Nous ferons des propositions. Il vous reste 2 minutes pour vous inscrire. C'est parti, CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On vous offre le jeu Time's Up. À vous de jouer. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Nouveau, Comiakasa Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis du marais ou les farfales pancetta formaggio. Comiakasa. Apportez un peu de chaleur. En octobre, au Bon Repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet, un canapé-lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing? Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Vous entendez? La fête continue pour les 25 ans d'Intermarché. Encore 4 semaines de produits gratuits et de super promos. Comme le rôti de bœuf origine Belgique à moins 40%, soit seulement 9,49€ le kilo. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Parce qu'une Jaguar est faite pour être admirée. Jaguar Drogen Boss fait tout pour garder votre voiture en pleine forme. Achetez une Jaguar de stock et recevez 3 ans de garantie et 3 ans de carrouage et d'entretien gratuit. Allez vite chez Jaguar Drogen Boss et choyez votre nouvelle Jaguar grâce à ce triple cadeau. Offre valable également chez Jaguar Brussels à Zaventem et Waterloo. On nous reparle déjà dépassé d'une heure. La fille inconnue, le nouveau film de Jean-Pierre et Luc Dardenne avec Adèle Hanel. Il s'est passé quelque chose de grave? On a trouvé le cadavre d'une femme près du fleuve. Présenté au Festival de Cannes et en ouverture du Festival de Namur, La fille inconnue, une coproduction RTBF, le 5 octobre au cinéma. J'arrive pas à me faire à l'idée qu'on va l'enterrer sans connaître son nom. La première. 16h30. Pour nous informer, vous informer, Pierre-Yves Meugens, bonjour. Bonjour à tous. Plus de 3000 emplois supprimés donc chez ING Belgique, mais les agents bancaires indépendants sont oubliés, s'indigne l'association professionnelle flamande des intermédiaires financiers. Et ils sont des centaines, ajoute-t-elle. ING compte 251 agences indépendantes et 536 pour Record Bank. Par ailleurs, les agents indépendants ne pourront pas bénéficier d'une allocation de chômage. Beaucoup d'entre eux ont 50 ans. Et cet après-midi, le Parlement européen a donné son feu vert à l'accord climat conclu en décembre dernier à Paris lors de la COP21. Un vote qui va permettre à l'Union européenne de ratifier rapidement cet accord international de lutte contre le réchauffement climatique. Une procédure de ratification que les Européens ont menée tambour battant afin de ne pas rester à la traîne derrière des pays comme les États-Unis, la Chine et l'Inde qui ont déjà ratifié cet accord. L'engagement européen ouvre la voie à une entrée en vigueur de l'accord de Paris d'ici la fin de l'année. Un coup d'œil sur Soir Première et le débat. On va vous parler du cours de citoyenneté et philosophie, vrai tournant ou bricolage. Pour en débattre à 17h45, nous recevons Caroline Désir, députée PS au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Richard Müller, député fédéral MR. Merci Pierre-Yves, retour de l'information tout à l'heure à 17h avec Diane Burgel-Vernet. C'est presque sérieux, sur la première 16h-17h30, avec Walid. Allez, plus que 75 pour 13 000 sur la page Facebook. N'hésitez pas, on repart avec un Times. Affluence record. Vous inscrire. Oh, bah, écoute, c'est pas mal, c'est bien, on est content. On est content, on le partage avec nos auditeurs. Donc, Fait notre version du Time's Up. Faudrait s'arranger avec Repos. Ah, ben on va en faire une. Ben je vais aller voir la semaine prochaine. Voilà. Et je vais leur dire, tiens, on va faire une version spéciale Time's Up. C'est presque sérieux. Voilà. Vous verrez, j'imite bien. Ouais. Mais ça pourrait être sympathique. Pourquoi pas. Bon, en attendant, on va faire un petit tour du côté de Frane les Buissenales avec Quentin qui est avec nous. Bonjour, Quentin. Bonjour. Vous êtes enseignant et préparateur physique. C'est ça, oui. Ah, et Frane, les Buissenales, c'est près de Frane les Anvins, en Hainaut, dans les Pays des Collines. C'est ça, c'est un petit village de la commune de Frane les Anvins. Et vous saviez que c'est le seul endroit en Belgique, tenez-vous bien, où on produit du lait d'ânesse. Non. Ouais, c'est vrai. C'est la minute cyclotourisme. C'est l'asinerie du Pays des Collines. On produit du lait d'ânesse qui se situe dans une bâtisse qui se nomme le Château des Mottes. Vous connaissez le Château des Mottes? Exactement, oui. Voilà, c'est là. Un château où Napoléon a séjourné. Charles Quint aussi y a séjourné. Très couru, hein, si j'avais Tout le monde y voulait y aller. C'était pour le lait d'Annès. Mais on, voilà, c'était pour le lait d'Annès. Donc voilà. Dites-moi, mon cher Quentin, vous avez lu la presse aujourd'hui, vous êtes au courant de ce qui s'est passé ou absolument pas? Oui, j'ai lu un petit peu la presse. Vous avez lu un peu la presse, donc peut-être une formalité pour vous avec le qui a dit du jour. Voici la phrase que je vous propose. Et à la clé pour vous, un Time's Up, le fameux jeu dans sa version family que nous vous offrons. Seule condition à remplir, je le disais, me dire qui aurait pu dire cette phrase. Elle est mauvaise pour la Flandre et la Wallonie. Voici vos propositions, Quentin. Raoul Reyers. Eh bien, c'est le docteur, je vais dire. Vous suivez le docteur, je vais dire. Ouais, docteur, et il a déclaré, Maggie de Bloch, je vais dire. Elle est mauvaise pour la Flandre, je vais dire, mais aussi pour la Wallonie, je vais dire. Parce que si elle ne verra jamais mon diplôme. Je vais dire. Oui, vous terminez par je vais dire. On va demander à Vincent Flibus et qui aurait pu dire, elle est mauvaise pour la Flandre et la Wallonie. Je sais. C'est Hendrik Bogaert, c'est un député CDNV. Voilà. Hendrik. J'ai dit ça parce que j'ai vu passer Nicolas Bogaert dans le couloir et que j'ai vu Gene Hendrix tout à l'heure. Okay. Genre Usual Suspects. Vous commencez tôt. Hendrik Bogaert. Hendrik Bogaert, ça fait sérieux. CDNV. Hein. Elle est mauvaise pour la Flandre et la Wallonie. Vous saviez de quoi il s'agissait, de quoi il parlait? De la trêve communautaire. Ah, okay. Parce qu'il trouve que la guerre, c'est cool, c'est mieux. Par contre, la trêve, c'est vraiment nul. Hein. Sauf le feuilleton, effectivement. Donc Hendrik Bogaert pour Vincent Flibustier. Cindy Aizarali, qui aurait pu dire elle est mauvaise pour la Flandre et la Wallonie? Mais pas du tout, c'est bien évidemment Benoît Lutgen en parlant de Joël Milquet. Benoît Lutgen pour Cindy Aizarali. On va demander à Pierre Charette. Il s'agit du secrétaire d'État à la mer du Nord, Philippe de Backer, qui a déclaré ça à propos de la montée des eaux, qui serait mauvaise pour la Flandre, c'est pas évident, hein, qui risque d'être inondée, mais aussi pour la Wallonie, qui risque de se taper des réfugiés climatiques flamands. Philippe de Backer pour Pierre Charette. Et enfin, elle est mauvaise pour la Flandre et la Wallonie, Florence Mendez. Non, alors pas du tout, il raconte des bêtises. En fait, c'est le directeur de l'AFSCA qui parlait de la Tartorie. Directeur de l'AFSCA. Eh bien voilà, on a fait le tour de tout le monde. Reste à Quentin à déterminer qui aurait pu prononcer cette fameuse phrase, Quentin. Elle est mauvaise pour la Flandre et la Wallonie. Le docteur, je vais dire. Hendrik Bogaert, Benoît Lutgen, Philippe de Backer ou le directeur de l'AFSCA, Quentin. Alors, il y en a déjà plusieurs éliminés relativement facilement. Comme qui, par exemple? Qui souhaitez-vous éliminer? Ouais, avec un bon gun, on élimine à peu près n'importe qui facilement. Alors, j'éliminerai celle de Pierre Charette. Bien sûr, le secrétaire de Becker. Je vais essayer de ne pas être vexé. Oui, bien sûr, vous avez raison, on l'élimine. N'est pas lui. Alors, ensuite, Hendrik Bogaert aussi. Hendrik Bogaert, vous souhaitez l'éliminer? Il le mérite. Ah, ok, d'accord. Ok. Je note. Vous l'enlevez. Ouais. Ok, d'accord. J'aime pas trop éliminer les gens, mais bon, là. Ah, ok, d'accord. La deuxième, c'était. Non, ça, c'était la deuxième. Le docteur, je vais dire, Benoît Lutgen ou le directeur de l'AFSCA. Oui, bien sûr, Benoît Lutgen élimine aussi. Ok. Donc ça joue entre le docteur, je vais dire, le directeur de l'AFSCA. Vous dites, elle est mauvaise pour la Flandre et la Wallonie. Qu'est-ce qu'on gagne encore quand on rate? Qu'est-ce qu'on gagne quand on rate? Ça va être une surprise. Alors, je vais dire que je garde la dernière réponse. Directeur de l'AFSCA. Vous dites le directeur de l'AFSCA. La petite nouvelle l'a troublée, hein, par exemple. Elle est mauvaise pour la Flandre et la Wallonie. Moi, propos, je trouve qu'il n'a pas tort. À propos de la Tartorie, le directeur de l'AFSCA. Si c'est gagné. La Tartorie, pardon, je n'avais pas bien compris. Ah ouais? Ah, c'est à propos de quoi? Alors, vous dites quoi? On pensait que c'était la tarte au sucre de Tirlum. Pierre est vraiment vexé. Est-ce que je pourrais réentendre la toute première alors? Le docteur, je vais dire. Non. Il a le droit de parler aussi. Hein. Alors. Oui, je vais dire. Voilà. Donc. Vous pouvez répéter mes propositions, s'il vous plaît? Hendrik Bogaert, Benoît Lutgen, oui. Philippe de Backer, le directeur de l'AFSCA, le docteur, je vais dire. C'est de googler. Il va falloir choisir maintenant, tout de suite. C'est parti. Non, donnez-moi un. J'espère que notre ami n'a pas un train à prendre. Alors, c'est parti. Dites-moi. Non. Donc, j'élimine la Tartorie, j'élimine Benoît Lutgen, j'élimine le docteur, je vais dire. Et donc, ça veut dire qu'il me reste Hendrik Bogaert et... Philippe de Backer. Philippe de Backer. Je vais... Même nous, on ne sait plus. Oui, je suis un peu perdu maintenant. Non, mais... Vous ne gagnez pas un million de dollars. Alors, dites-nous. Oui. Choisissez. Je vais garder la deuxième, alors. Hendrik Bogaert. Vous gardez Hendrik Bogaert. Là, vous avez eu tout le temps de googler, comme on dit, effectivement. Mais non, parce que je suis... donc je... Ah oui, vous pouvez pas. Hendrick Bogart pour vous, Quentin. Et c'est effectivement la bonne réponse. D'accord, ça va. Eh j'ai oui, été effectivement. Perturbé par le fait qu'ils disent Hendrick. Ah, je vous ai bien vu. Vous avez bien vu. Effectivement, le mouvement flamand a le moral dans les chaussettes depuis que Bardo Weaver a frisé la trahison en suggérant qu'un bras de fer communautaire ne sera peut-être pas incontournable en 2019 si d'aventure eh bien, un Michel II, un gouvernement Michel II pouvait rempiler sans les socialistes. Et donc Hendrick Bogart, secrétaire d'État à la fonction publique dans le gouvernement Di Rupo, s'est engouffré dans la brèche. À l'époque, il fut l'auteur d'un projet décoiffant d'union personnelle entre la Flandre et la Wallonie. Le projet, eh bien, la Flandre verse 34 milliards d'euros à la Wallonie, après quoi eh bien, le Sud n'aura qu'à se débrouiller au bout de 4 ans. Un homme comme les aime le mouvement flamand. Donc Hendrick Bogart disait que la trêve communautaire est mauvaise pour la Flandre et la Wallonie. Il a les crocs, hein, une fringale d'autonomie XXL pour la Flandre qu'il réaffirme haut et fort, au nez et à la barbe de la NVA. Ça tombe à pic, hein, pour inciter d'ailleurs le public cible flamingant à ne pas désespérer. C'est donc gagné, mon cher Quentin, vous repartez avec la version family du jeu Time's Up aux éditions Repos Productions. On vous envoie ça très rapidement. Restez-nous fidèles, restez beaucoup. Presque sérieux, Quentin, du côté de Fresnes et Buisnal. Oui, bien sûr. Je viens à chaque fois, donc je fais la route entre Fresnes et Bruxelles, et donc toujours le contact, toujours. Ah ben non, c'est pas le contact, c'est la première. Oui, non, qu'on soit bien d'accord. Un fan de Pierre Collard. Merci, merci en tout cas, Quentin. Continuez à nous suivre. Et n'hésitez pas à faire comme Quentin, commenter l'actualité, notamment sur notre page Facebook, la page Facebook de C'est Presque Sérieux. On vous offre également des jeux Time's Up avec une question et une actualité que nous mettrons en avant après 17h. C'est une information que nous sommes, sur laquelle nous sommes tombés. Les soldats britanniques sont exemptés de respect des droits de l'homme. Eh oui, vous pourriez retitrer cette information autour de la table, vous allez le faire tout à l'heure. Faites-le également, vous qui êtes chez vous. Et repartez avec des cadeaux. Je le disais, le 13 000e repartira avec un Time's Up. En attendant, eh bien, si on s'intéressait à Kim Kardashian, mon Pierre Charette. Oh, au ciel, mes bijoux ! Eh oui, vous avez décidé de revenir sur ce vol, vol des bijoux de la star de télé-réalité Kim Kardashian dans son hôtel particulier de Paris. Mais oui, j'aimerais qu'on rétablisse un peu le sens des priorités dans le traitement de l'information de cette émission, parce que le pape et la théorie du genre, les licenciements d'ING, les bombardements à Alep, ça va. Hein. Pendant ce temps-là dans le monde, il se passe des choses autrement plus interpellantes, dont notamment le braquage de Kim Kardashian. Je n'hésiterai pas d'ailleurs à parler de crime, et même de crime Kardashian. Eh, hey, bien joué. Parce que moi je n'hésite pas à dire tout haut les jeux de mots que même Bruno Coppens ne pense pas tout bas. Pour ceux qui ne voient pas qui est Kim Kardashian, et j'imagine qu'il y en a quand même quelques-uns parmi les auditeurs de la première, si je devais vous la décrire, Kim Kardashian, c'est la légitimité artistique de Loana, la poitrine de Nabila, le derrière d'une kangou berlingot, le maquillage de Joël Milquet et la pudeur de Jackie et Michel. Voilà, comme ça vous pouvez tous désormais dresser le profil de Kim Kardashian, ce qui revient à dessiner le croquis d'une bouteille d'orangina, grosso modo. Et donc, Kim Kardashian a été victime d'un vol à main armée dans un hôtel particulier de luxe à Paris et elle s'est fait voler pour 10 millions d'euros de bijoux. Alors moi, ma première réflexion, c'était de me dire, décidément, après son beau-père Bruce Jenner, c'est quand même déjà la deuxième dans la famille qui perd ses bijoux de famille. Bah oui. Pauvre Kim, quoi, elle n'a vraiment pas de cul. Enfin si, mais ce n'est pas la question. Alors quand on connaît évidemment les détails de l'histoire, c'est un peu truculent. Apparemment, elle a été agressée en plein milieu de la nuit par 5 hommes déguisés en faux policiers qui l'ont braquée avec leur arme, séquestrée, ligotée et enfermée dans la salle. Alors ici autour de la table, je ne sais pas si vous imaginez le traumatisme. Voir Kim Kardashian non maquillée et en pyjama, le traumatisme. Alors bien sûr, ce n'est pas la première fois que Kim Kardashian se fait piquer quelque chose. La dernière fois, simplement, c'était les fesses. D'ailleurs, si vous avez l'habitude de regarder les photos de Kim Kardashian sur Internet, vous constaterez qu'elle se faisait déjà voler tous les jours ses vêtements. Alors, petite parenthèse à ce propos, il y a un peu plus d'un an, elle avait lancé une ligne de vêtements, justement. Alors, pour vous donner une idée, c'est un peu comme si Edgar Schutz lançait une marque d'eau pétillante. Mais donc, à part ça, personne ne l'avait jamais braqué, au contraire de son mari, Kanye West, qu'on peut braquer très vite. Non mais rendez-vous compte, on lui a donc volé pour 10 millions d'euros de bijoux. 10 millions, il s'agit du plus gros vol commis sur un particulier en France depuis plus de 20 ans. Si on accepte bien sûr le vol commis sur les contribuables de Levallois-Perret par le couple Bacani pendant 20 ans. Alors elle a été braquée dans un hôtel particulier secret, l'hôtel Pourtalès selon les médias, qui se trouve rue Tronchet dans le 8e arrondissement. C'est vraiment très très secret. Alors, détail amusant, les agresseurs se seraient enfouis en vélo. Comme quoi, la COP 21 qui a eu lieu à Paris commence à porter ses fruits. On peut être braqueur et éco-responsable. La question maintenant qui se pose, évidemment, c'est qui sont les coupables ? Rappelons qu'il s'agit d'une agression dans une chambre d'hôtel et que cette fois, tant DSK que Bernard Westphal ont un alibi. Alors pour terminer, je sais que j'ai un petit peu ironisé sur la mésaventure de Kim Kardashian, mais je ne voudrais pas pour autant qu'on m'accuse de sexisme. Il faut savoir que moi, je n'ai absolument rien contre les femmes. Je veux dire, j'ai des amies femmes, j'adore faire les lessives. Et puis rassurez-vous, moi aussi, il m'arrive de rater mon créneau. Merci Pierre Charette, hein, Kim Kardashian. Elle a eu très très peur du viol. Hein. Les agresseurs aussi, c'est vrai. Voilà, une bague, quand vous l'exposez à un moment donné, à ce moment-là, merde quoi. Vous avez le PIB, je le disais, du Kazakhstan. Elle l'a bien cherché, c'est ça ? 4 millions. Non, c'est pas qu'elle l'a bien. 4 millions d'euros. C'est quand même idiot parce que Sarkozy aurait pris moins de 10 millions d'euros à Kadhafi alors qu'il suffit de voler une star de télé-réalité. Mais je crois qu'on sait maintenant de qui il s'agit. C'est Sarkozy. Mais je crois que c'est pour financer sa campagne. C'est possible. C'est après Big Malion. Kim Kardashian assassiné dans Bag Malion. Ce sera plus simple. Il faut pouvoir revendre ce truc. Sur le bon coin, mais c'est. Ah ouais, sur deuxièmemain.be, vous allez retrouver très vite une petite bague. Le bon coin, je vous conseille. Bah écoutez, on ira voir. La tendance s'intéresse aux histoires, celle de l'histoire tout simplement. Ce 4 octobre, que s'est-il passé ? Bien, une question vous posera Laurent Dos, et dans la suite, on s'intéressera également aux histoires de Vincent Flibustier. Je le disais, hier c'était la journée flash, vous savez, cette journée où il fallait lever le pied, faire attention, comme tous les jours d'ailleurs, hein, pour éviter les amendes, les infractions et les flashs. Eh bien, après 17h, on appellera un commissariat pour leur dire qu'on était flashé et que vous comprendrez pourquoi après. Et dans la suite, eh bien, on vous encourage également à continuer à commenter l'actualité sur la page Facebook de C'est Presque Sérieux. Restez avec nous, on marque juste une petite pause et on revient avec l'histoire de C'est Presque Sérieux. Walid, sur la première, C'est Presque Sérieux. La 3 et la première présente. C'est le portrait d'un passeur, d'un marchand d'espoir qui pousse des migrants d'une vie qu'ils fuient à une autre qu'ils achètent. D'une jungle à l'autre, aux poches, Angleterre emporte nos consciences sur les rivages des infinies tragédies du monde. Info poche.be. Avec la participation du Vendôme. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Et c'est l'ingénieur Sarah qui va construire le plus long pont du monde pour tous les trains. Ingénieur au chemin de fer. Hier, ton rêve. Aujourd'hui, ton job. Rejoins-nous via leschemindeferengage.be. Tong, tong, tong. J'ai presque fini. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. La première présente. Les villes et communes de la région de Charleroi et du Sud-Hainaut et les opérateurs publics vous invitent à la troisième édition du Forum Immobilier, ces 20 et 21 octobre au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. À découvrir les projets en cours et à venir dans la région et les possibilités d'investissement dans tous les secteurs de l'immobilier. Plus d'infos sur forum-immobilier.be. La première. Mobile Info. 16h46, un point sur vos conditions de circulation, embouteillage, pas embouteillage, ralentissement par ralentissement, Pierre Collard-Bovy. Ralentissement habituel, en tout cas dans Bruxelles, ça c'est évident. Concernant le ring de Bruxelles, il y a 21 minutes supplémentaires pour l'intérieur, Zaventem Carrefour Léonard, plus 16 minutes pour l'extérieur, Zaventem Grand Bigard, plus 12 minutes pour l'intérieur, Carrefour Léonard, au titre des ralentissements assez habituels et normaux également. Des feux en panne sur le 429 tourné à la hauteur de Halle, dans les deux directions, c'est un carrefour qui peut être dangereux dans ces cas-là, c'est une grande panne de courant. Un accident sur le 19 Mons-Bruxelles à hauteur de Nivelles Sud, passage difficile en direction de Bruxelles. Et il y a des files également dans l'autre sens vers Mons donc, mais ça c'est la curiosité uniquement qui vous ralentit à les circuler. Travaux sur le ring 9 de Charleroi, le petit ring donc, c'est la 503 arrêté vers le ring 9 de Charleroi qui est ferme à la circulation et du coup ça provoque pas mal de petits problèmes. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça. Hey, Houston, on a un problème. Intéressons-nous à l'histoire avec Laurent Dossec qui reviendra demain sur le groupe des 20. un groupe de l'avant-garde artistique, un reflet de la position de leader culturel qu'avait Bruxelles au tournant du 19e et 20e siècle, le groupe des vins. Je pensais qu'on parlait d'une association des d'alcooliques. J'étais un peu oui, distrait. Mais non, c'est pas ça. Donc ce sera demain entre 13h30 et 14h30 sur la première avec Laurent Dehaussay. Laurent Dehaussay qui a une question. Rapport avec ce 4 octobre, voici votre question. J'ai pris de la hauteur et j'ai fini par tourner en rond. Que suis-je? Nicolas Sarkozy. C'est pas mal. Quand il a cette allonnette. Ouais, c'est pas mal. Non, mais c'est pas Sarkozy. Non, j'ai pris de la hauteur et j'ai fini par tourner en rond. Vous dites Spoutnik. Non, pas Spoutnik. Ouais, une navette, oui. C'est satellite. C'est Spoutnik. Eh, bingo. Oui. Effectivement, Spoutnik. Quelle culture générale. Qui veut dire littéralement compagnon ou satellite en russe. Effectivement, ce fut donc le premier satellite artificiel mis en orbite dans l'espace. Il a été lancé donc le 4 octobre 1957 à 19h28 et 34 secondes précisément du côté de Baïkonour au Kazakhstan. Donc il restera en orbite 92 jours. Imaginez, pas très longtemps, hein, donc à une hauteur approximative de 945 km de hauteur. Alors, dans l'urgence et sans études préalables, Spoutnik 2 a été construit en 4 semaines. Et qui était dans Spoutnik 2? Qui embarquait Laika, effectivement, la petite chienne russe. Petit aboyeur, hein, c'est ce que ça veut dire. Rien à voir avec mes lagettes. Non, mais vous voyez mal partout, la petite chienne russe, Laika. Après une chronique de Pierre Cherette, c'est oui. On voit toujours ça comme trop mignon, mais elle est morte comme une oui, merde dans l'espace. C'est vrai, premier être vivant, en tout cas, mis en orbite. Un appareil tué dans l'espace. Autour de la Terre, effectivement. Et alors, autre chose, depuis 1957 et le lancement du premier Spoutnik, environ 41 000 objets volants de plus de 10 cm ont été lancés dans l'espace. Parmi ceux-ci, bien 1100 sont encore actifs sur les 17 600 catalogués encore en orbite. Donc c'est une vraie poubelle qui gravite autour de nous. Dessus. Ah mais c'est un peu. Dans l'article que j'ai lu, c'était imaginez le ring de Bruxelles en plein embouteillage. Eh ben c'est ça en fait, qui gravite autour de nous. C'est bon, quand même. Ouais, qu'on va se prendre des voitures sur la tête. Tiens, en parlant de satellites pour étudier la Terre, comment est-ce qu'on mesurait les distances dans l'Antiquité, à votre avis? Avec les étoiles? Non, pas avec les étoiles. On observait avec un animal. Ruban. On observait un animal, lequel? C'est un insecte? Non. Un oiseau? Pas un oiseau. Bah, comme je veux dire, c'est un peu comme un pied. Vous avez pris le syndrome du docteur, faites attention. Une chèvre. En fait, c'est peut-être lui. C'est ce que je voulais dire. Un animal qui mesurait les distances. Le serpent, ah bah oui, il servait d'un serpent comme maître. Non. Bah, non, parce qu'il fallait. C'est un animal qui, précisément, chacun de ses pas sont les mêmes, en fait. Il a la capacité de faire un les cheval. Mêmes pas. Non, pas un cheval, on n'est pas très loin. Un animal. Dans le désert. Un dans le désert, vous chameau. Dites chameau. Et effectivement, ben c'est les chameaux. Ces animaux sont en effet connus pour leurs pas très réguliers, une technique utilisée notamment par Ératosthène, géographe et mathématicien, directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, qui a entrepris l'expérience scientifique la plus extraordinaire de l'Antiquité. Il est avec nous aujourd'hui. Oui, le calcul de la circonférence de la Terre, mais avec les pas de, des chameaux. C'est grâce à lui qu'on doit le mot géographie d'ailleurs, hein, monsieur Ératosthène. On l'embrasse au passage. Bisous. En attendant, petit souvenir, 1973, oh là là, j'ai des frissons rien qu'à l'évoquer. 1973, si je vous dis Jungle Boogie, vous me dites... J'étais pas né. Ah jamais entendu. Jungle Speed, Time's Up. Non, c'est Cool and the Gang tout de suite. Ah, voilà. We'll be right back. Ah, ça donne envie de faire la fête. Ravi de passer ce mardi en votre compagnie. Nous sommes presque sérieux. Cool in the gang en souvenir. Jungle Boogie sur la première. Bonjour, messieurs Vincent. Avant de s'informer, à 17h avec Diane Burgel-Vernet, les histoires de Vincent Flibustier qui tentera une fois de plus de nous mener en bateau. Deux histoires au menu et aujourd'hui, vous êtes parti à la chasse aux histoires de chômage. Eh oui, Walid, et pas à la chasse aux chômeurs, ça je laisse ça à l'ONEM. Partons au Zimbabwe, le beau pays dirigé par le grand leader sympathique Robert Mugabe, dont l'âge de 92 ans coïncide maintenant exactement avec son score à chaque élection. Et quel est, à votre avis, le taux de chômage du Zimbabwe, Raoul? Oh, je sais pas moi, 0%. Walid. On n'est pas très loin du taux du... À la suite, c'est qui? Pierre. 3%. Florence. 92. Signia. 2%. Eh bien, vous avez tous raison, parce que le taux de chômage du Zimbabwe est de 95% selon certains chiffres, de 60% selon d'autres, de 32% l'an passé. Et Mugabe, par contre, cette année, a annoncé qu'il était de 4%, comme ça, tranquillou. Le plus formidable, c'est que lors des dernières élections, un membre de l'opposition, parce qu'il y a une opposition apparemment, quand même, au Zimbabwe, a exigé, enfin bon, à mon avis, demandé gentiment, d'avoir les véritables chiffres du chômage. Et le porte-parole du président lui a répondu: vous n'avez qu'à aller chercher vous-même en comptant les chômeurs dans la rue. Voilà, c'est beau, la démocratie. C'est des petites réponses comme celle-là. Une autre histoire, après le Zimbabwe, toujours concernant le chômage, est-elle vraie, celle-ci, ou pas ? J'ai un petit peu cherché les taux de chômage des pays dans le monde et je suis tombé sur celui du Liechtenstein, 160 km², soit exactement la taille de Bruxelles. 36 000 habitants, à peu près comme Bruxelles, à un million près. Et le taux de chômage du pays était de 1,5% jusqu'en 2016. 200 chômeurs, la population active étant de 13 000. Et jusqu'en 2016, oui, puisque depuis 3 mois, le taux de chômage du pays a augmenté de 2000%. Une usine Kodak a fermé là-bas, mettant au chômage 3 800 personnes. Le taux de chômage du Liechtenstein est donc maintenant de 30%, soit le pays avec le plus haut taux d'Europe. Et avec 2000% d'augmentation en 3 mois, ils ont battu le record mondial. 30%, le Liechtenstein ou le Zimbabwe. Petit tour de table rapide. Pierre Charette, première ou seconde Zimbabwe. Histoire. Zimbabwe. Florence, première ou seconde histoire. Oui, merci Zimbabwe. Florence. On va demander à Liechtenstein pour notre cher Sylvie Zarali et Raoul Reyers. Liechtenstein. Liechtenstein. Eh bien, roulement de tambour pour découvrir l'histoire vraie du jour autour du chômage. Zimbabwe au Liechtenstein. Vincent Flibustier. Ben oui, c'est délirant, mais le Zimbabwe est le seul pays du monde où on n'a absolument aucune idée du taux de chômage. Mais vraiment aucune idée, puisque le pouvoir, les organismes extérieurs donnent tout le temps des chiffres différents. J'ai cherché un petit peu sur le site de la Banque mondiale, ce qui est quand même assez sérieux, on trouve 4%. Sur le site de la CIA, 95%. Sur le site officiel du gouvernement, 60% pour le moment. Donc ça fait une légère différence. Et vu que j'ai encore 30 secondes, deux petites phrases rigolotes de Mugabe. Un jour, un journaliste lui a demandé: quand est-ce que vous comptez dire au revoir à votre peuple? Et il a répondu: pourquoi dire au revoir? Ils vont où? Et sinon, il a aussi dit: si le président Obama veut que je laisse des personnes du même sexe se marier, il a qu'à venir ici, je l'épouse d'abord et puis on verra. Merci Vincent Flibustier pour vos histoires. On s'informe comme promis à 17h et on revisitera l'actualité une fois de plus, l'actualité de ce 4 octobre, avec une info que nous mettrons en avant: les soldats britanniques exemptés de respect des droits de l'homme. Comment vous pourriez retitrer cette information? Bien, faites-le sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook notamment, où nous vous offrons pas mal de cadeaux, dont notamment un Time's Up. Faites-vous plaisir, on poursuit cette aventure avec un coup de fil. À tout de suite. Venez vivre la magie du feu et de la lumière au domaine provincial de Chevetogne lors de la Nuit du Feu des Abonnés. 5 feux d'artifice, des spectacles et des ambiances féeriques. Venez en prendre plein les yeux le samedi 15 octobre dès 19h. Attention, accès réservé aux abonnés du domaine. Info, domaine-de-chevetogne.be. Avec Stuv et votre journal 7 dimanche. Du 3 au 22 octobre, c'est les prix Qualité Pro spécial isolation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, la plaque de plâtre 2,60 m de Boramassi, épaisseur 9,5 mm, est à 2,39 euros le mètre carré. Alors profitez-en. Gagnez en savoir-faire. 2,39 euros le mètre carré, soit 3,73 euros la plaque largeur 60 cm, 7,46 euros largeur 120 cm. Salut mon chéri, t'as pu faire les courses pour ce soir? Oups, les courses. Oh non, ne me dis pas que t'as oublié mon dîner fille, les nems en entrée, le poulet tikka masala. Mais non, t'inquiète, je file au Deli Traiteur, je te prends aussi du chardonnay et des petites olives pour l'apéro. T'es un amour. Et vous, vous faites comment? Deli Traiteur. Flagrant délit de plaisir. Ouvert jusqu'à 22h, 365 jours par an. Non mais tu l'entends, l'autre là, il fait que rigoler. Lui aussi doit rouler en Skoda, on est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Fabia à partir de 8 750 €, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. Et si ce week-end, on prenait un bon petit déjeuner? Oh, bonne idée! Oxfam Magasin du Monde organise plus de 200 petits déjeuners gourmands et équitables. Ah bon, quand ça? Ce week-end, le 8 et 9 octobre. C'est l'occasion de déguster d'excellents produits d'ici et d'ailleurs. Et comment faire pour trouver le petit déjeuner le plus proche de chez moi? Tu vas sur petitdejeuneroxfam.be. Super! À ce week-end! Avec Oxfam, les alternatives existent. Cultivons-les! La première. Météo. Bonne fin de journée à tous. Après une journée où certains ont eu du soleil sur les reliefs et où la plupart ont eu quand même une partie de la journée sous la grisaille, eh bien cette nuit, le ciel va se dégager partout. On notera des minima de 4 à 8 degrés. Et demain, eh bien là, pas de jaloux, le soleil sera présent partout. Et malgré cette journée lumineuse, eh bien les températures seront en recul par rapport à aujourd'hui. On ne dépassera plus 10 à 15 degrés. Et surtout demain, il faudra s'habiller chaudement en fonction du vent, un vent modéré d'est qui sera piquant. Pour les prochains jours, on va maintenir un temps sec, mais avec possibilité de voir des nuages bas revenir par l'est du pays. Les températures donc pourraient légèrement fléchir en fin de période. Pour un instant gourmand et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Première. 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir, Diane. Bonsoir. Plus de 4 milliards d'euros à trouver pour maintenir le budget 2016 et 2017 dans les clous. Il reste une semaine au gouvernement fédéral pour trouver des solutions. Apparemment, il ne reste plus que 2 milliards à trouver. Alors, quelles sont les pistes déjà dégagées? On fait le point dans ce journal. C'est fait, le Parlement européen a approuvé l'accord de Paris au terme d'une procédure éclair. Le texte, qui prévoit un nouveau cadre pour la lutte contre le réchauffement, va pouvoir entrer en vigueur. Avant de développer ces titres, un point sur vos conditions de circulation, et c'est avec Pierre Collarbovi. Oui, juste un problème important, un accident sur le 19 Mons-Bruxelles, autour de Nivelles-Sud. Vous perdez 20 minutes en direction de Bruxelles et 8 à 10 minutes dans l'autre sens à cause de la curiosité. Mardi prochain, dans une semaine donc, Charles Michel fera son discours de politique générale à la Chambre. Le Premier ministre présentera alors de nouvelles réformes, un nouveau budget surtout. Les principaux membres du gouvernement sont donc à la manœuvre pour boucler ce budget. Imad Messoudi, vous avez obtenu des informations, les travaux avancent apparemment. 4,2 milliards, la facture des budgets 2016 et 2017 est connue, mais où trouver l'argent? Le gouvernement Michel a d'abord essayé de réduire l'effort. Mission accomplie, selon nos informations, il ne faut plus trouver que, si l'on peut dire, 2,5 milliards d'euros. Pour arriver à cette somme, le gouvernement s'est discrètement entendu avec les autorités européennes pour adoucir la trajectoire budgétaire. L'autre piste utilisée pour alléger l'effort, toucher au buffer, ce tampon fiscal d'un milliard, il sera réduit de 400 millions. Par ailleurs, le gouvernement travaille sur l'index. Non, il n'y aura pas de saut d'index généralisé en 2017. Mais l'équipe Michel travaille sur une réforme de l'indexation automatique des salaires. Plusieurs pistes sont sur la table. Selon nos informations, le fédéral réfléchit à lisser le calcul de l'index santé. On ne calculerait plus l'index sur 4 mois, comme actuellement, mais sur 9 ou 12 mois. Autre piste sur la table, une indexation à date fixe. On en saura plus lundi prochain au plus tard, lorsque Charles Michel présentera les résultats du conclave budgétaire. Cet après-midi, la commission lutte contre le terrorisme de la Chambre devait se pencher sur les textes qui modifient la garde à vue. Elle pourrait passer à 72 heures maximum pour des faits de terrorisme, sauf que cela touche à la Constitution et qu'il faudrait donc une majorité spéciale des 2/3 pour avancer, majorité qui n'existe pas aujourd'hui. Surprise, la commission du jour a finalement été supprimée, elle est reportée à jeudi, mais avec un autre menu. Et une question, peut-on lever le secret professionnel, notamment des CPAS, si cela permet de lutter contre la radicalisation ou le terrorisme? Autre débat qui s'annonce difficile, Fabien Vanekout. Reporter donc encore le débat sur la prolongation de la garde à vue, faute de majorité pour voter. Un report, rien d'anormal en soi dans la chose parlementaire, mais refixer la même commission en urgence sur un autre sujet, et ce le jeudi entre midi et 14h, juste avant la séance plénière de la Chambre et les questions au gouvernement, c'est plus rare. Sur la table, autre sujet polémique, Des textes de la NVA visant à contraindre le personnel des CPS, voire de toutes les institutions de sécurité sociale, à transmettre des renseignements sur des personnes qui pourraient être liées, selon enquête, à des faits de terrorisme. La majorité se rallie aux textes de la NVA. Le CDH pourrait aussi, moyennant quelques garanties, mais le reste de l'opposition s'oppose, PS et Colo en tête, mettant en avant ce que disent aussi les CPAS. Le secret professionnel est indispensable à la relation de confiance entre une personne et le professionnel auquel elle se confie, et de redire que le rôle des CPAS est d'aider et non de surveiller, et qu'un article du Code pénal en outre permet déjà de lever le secret professionnel si danger, alors pourquoi une nouvelle loi? Le Conseil d'État a aussi exprimé ses réticences. Malgré tout, la volonté côté majorité est de voter ce jeudi, à voir. Le Parlement européen a donc donné son feu vert à la ratification par l'Union européenne de l'accord de Paris sur le climat. Ce vote clôture une procédure de ratification éclair. Les Européens, il faut le dire, voulaient à tout prix rattraper leur retard vis-à-vis de pays comme les États-Unis, la Chine ou l'Inde qui, eux, ont déjà ratifié cet accord international. Il prévoit, Sandro Calderón, de contenir le réchauffement climatique sous le seuil de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. 610 voix pour, 38 contre. Ce midi à Strasbourg, en présence du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, les eurodéputés ont soutenu cette ratification à une écrasante majorité. Le vote a été salué par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, heureux visiblement de voir que, dans ces temps difficiles, je cite, « l'Europe est capable de grandes choses lorsqu'elle sait conjuguer ses énergies et ses forces ». Fin de citation. Alors maintenant, dans les prochains jours, une décision formelle du Conseil européen, autrement dit des États membres, bouclera une procédure de ratification inédite, menée tambour battant, car les Européens étaient lancés dans une véritable course contre la montre. Symboliquement, ils tenaient à rester parmi les leaders mondiaux dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais ils voulaient aussi et surtout participer le mois prochain à la conférence de Marrakech, la COP22, au cours de laquelle les premières décisions seront prises pour mettre en œuvre l'accord de Paris, un accord qui, c'est désormais certain, Diane, pourra entrer en vigueur avant la fin de l'année. Voilà donc une procédure éclair. Après les candidats à la Maison Blanche la semaine dernière, les colistiers ce soir, Tim Kaine, celui d'Hillary Clinton et Mike Pence, colistier de Donald Trump, débattront à la télévision. Ils n'ont ni la notoriété ni la force de frappe de leurs candidats, mais des millions d'Américains devraient néanmoins suivre ce rendez-vous traditionnel de la campagne américaine. La semaine du commerce équitable, c'est dès à présent et jusqu'au 15 octobre. Une campagne pour promouvoir des produits qui viennent surtout des pays du Sud. Bananes, café ou chocolat vendus sous le label Fairtrade se trouvent désormais dans toutes les enseignes de la grande distribution. Mais ces produits sont-ils connus du grand public et se vendent-ils bien? Voici le reportage de Thierry Van Gulik. Il faut bien chercher dans les rayons bondés de produits de toutes marques de ce magasin Carrefour de la région namuroise, ceux qui portent le label Fairtrade. L'enseigne Carrefour s'est pourtant lancée la première dans la vente de bananes, de café ou de chocolat garantis respectueux des droits des producteurs des pays en développement. Elle affirme aujourd'hui mettre en rayon 400 produits estampillés Fairtrade. Mais ses clients se montrent plutôt mitigés. Je ne sais pas, je n'ai pas été appelé par ces produits-là, je vais dire. Vous savez que c'est pour les producteurs du Sud? Non. Ça change votre point de vue? Ben quand même, parce que je trouve qu'ils méritent qu'on les fasse vivre, tous ces gens-là, je trouve. Oui, oui, mais il y a un rayon, je pense, il ne doit pas être très loin, où il y a toutes sortes de produits équitables, mais il y a des filières qui ne sont pas si équitables que cela, c'est un peu comme dans le bio. Donc il y a aussi à boire, à manger, c'est le cas de le dire. Mais à vrai dire, je ne cherche pas spécialement directement ce produit-là. Mm-hmm. Je vois d'abord le prix quand même, pour être honnête. Ça vous arrive d'en acheter? Oui, si ça vaut la peine, si je les vois, mais pas toujours. Quand vous en achetez, vous achetez quoi? Dans le chocolat, beaucoup. Les Belges ne dépensent aujourd'hui que 15 euros par an pour ce type de produit. Pourtant, certains d'entre eux, comme la banane, ont vu leur vente augmenter l'an dernier de 12%. L'idée d'acheter équitable fait tout doucement son chemin. Du sport et du cyclisme à présent, Binche. Chimay Binche, 9e et avant-dernière manche de la saison en Wallonie. Les coureurs sont attendus sur la grande place de Binche au terme de 194 km de course. Bonsoir Samuel Grulois. Oui, bonsoir. Vous suivez cette course, on approche Samuel de la ligne d'arrivée, n'est-ce pas? Oui, effectivement, il reste 16 kilomètres, un peu moins même, 14 maintenant, 14 kilomètres. Les coureurs sont déjà passés sur cette ligne d'arrivée trois fois puisqu'ils effectuent un tour de circuit de 16 km 200. Ils l'effectuent quatre fois ce tour de circuit. Ils viennent d'entamer le dernier des quatre tours. Les deux hommes de tête, Lars Bak, le Danois de l'équipe Lotto Soudal, et Vegard Stakland, le Norvégien de l'équipe Yam, viennent d'être repris par le peloton regroupement général. Donc la poignée de main le geste sportif entre le Danois et les Norvégiens qui ont passé plus de 3 heures en tête de ce Binche, Chimay Binche 2016. Ils savaient évidemment que leur sort était scellé. Il a fallu un petit peu de temps pour que l'on s'organise derrière, mais une fois que ce fut le cas et une fois que l'on assistait aussi à quelques contre-attaques en tête du peloton, eh bien l'écart a diminué, un écart qui a culminé au-delà des 9 minutes. Ils ont donc été repris et dans 14 kilomètres, on connaîtra le nom du vainqueur de ce Binche, Chimay Binche. De grands noms sont au départ et donc de grands noms risquent de s'imposer. On pense à Greg Van Avermaet, à Tom Bonnen ou encore à Arnaud Démare, le vainqueur de Milan-San Remo, quelques favoris d'ailleurs des championnats du monde qui se dérouleront dans une dizaine de jours. Le verdict donc dans moins de 20 minutes. Merci Samuel, Samuel Grulois qui suit pour nous cette course cycliste et merci à vous de nous être fidèles. Toute l'info est sur rtbf.be. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. 17h09, merci d'être fidèle à la première. Dites Walid, il ne serait pas un peu temps de battre le rappel? Vous savez, mon équipe arrive au moment où le jingle démarre. Nous sommes là. Ah voilà, ils sont là, ils arrivent. Voilà, merci en tout cas Diane de nous avoir informé. Retour de l'information dans 21 minutes tout à l'heure à 17h30 avec Arnaud Reusen pour Soir Première. L'équipe est bien là? Ouais. Présent. Allez, c'est parti. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux avec Walid. Un état d'esprit, une philosophie avec laquelle nous amusons tous les jours, oui, celle du second degré, de l'impertinence, une prise de distance par rapport à l'actualité qui nous entoure, qui parfois peut nous assommer. Eh bien, nous sommes presque sérieux, c'est cet état d'esprit que nous partageons avec vous durant 90 minutes tous les jours de la semaine sur la première. Ravi de passer cette heure et demie en votre compagnie en cette fin d'après-midi sur la première, où que vous soyez, même si vous êtes à l'étranger, hein, nous écoutant sur le streaming de la première.be, soyez les bienvenus un peu partout dans le royaume, je le disais, dans votre voiture, à la maison, qui sait, peut-être encore au travail. Prenez du plaisir comme ils le prennent justement à relater l'actualité de ce 4 octobre que je vous souhaite excellent à l'écoute de la première. Il y a Pierre Charette. Il est ravi. Il y a Florence Mendes. Elle est ravie aussi. Il y a Cynthia Ezarali. Mais je suis un peu colère, un des journalistes info est parti avec mes feuilles. Ah, eh bien on ira dans le futur, dans un instant avec vous pour le presque peut-être un jour dans l'histoire. Il y a Raoul Reyers également avec nous. Quand vous annonciez l'émission, vous disiez il y a des gens qui sont encore en travail, je me suis aperçu que nous on était encore au travail. Mais nous on ne travaille pas, c'est un plaisir. Ce mot travail, je l'ai banni de mon vocabulaire depuis presque 25 ans. Bah, bientôt, il n'y en aura plus. On s'amuse. Et Vincent Flébus est avec nous également. Tout comme vous, et nous intéressons à l'actualité de ce 4 octobre avec un coup de projecteur sur une info dont on parle tout de suite. C'est parti. C'est presque sérieux. C'est la première. Et oui, les soldats britanniques exemptés de respect des droits de l'homme. La première ministre de Grande-Bretagne va faire en sorte que les militaires anglais puissent être exemptés du droit humanitaire européen afin d'éviter des poursuites qu'elle considère abusives à la suite d'opérations extérieures. Le projet permettra donc aux militaires de ne pas être soumis à la Convention européenne sur les droits de l'homme lorsqu'ils participent à des conflits à l'étranger en fonction des circonstances. Elle déclare « Nous leur offrirons notre gratitude et nous mettrons fin à l'industrie de plaintes vexatoires qui a poursuivi ceux qui ont servi dans les précédents dans conflit, une porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait Gabriel Mallet. Comment est-ce que vous pourriez retitrer cette information, déjà vous qui nous écoutez de l'autre côté de la radio, et puis vous autour de cette table, Raoul Reyers? Je sais pas moi, pour l'armée anglaise, les droits de l'homme c'est de la roupie de Sansonnet. Mm-hmm. La roupie de Sansonnet, bien sûr, on l'embrasse monsieur Sansonnet. C'est pas mal. C'est un petit oiseau. Petit oiseau. Vincent Flibustier, les soldats britanniques exemptés de respect des droits de l'homme. Dans la presse du jour, vous retitreriez cette information comment? Viol au-dessus d'un nid de QQ. Wow, pas mal. Cynthia Ezarelli pour vous? Presque trop facile, permis de tuer. Ah ouais. Et Florence Mendes, elle retitrerait cette information de quelle manière? God save the crime. Oh ouais, c'est pas mal. C'est très bien ça. Pierre Charette, pression. Ouf. Droit de l'homme, 2 points. La Grande-Bretagne estime qu'en cas de viol, les victimes sont un peu consentantes. Merci pour être. Vous êtes toujours aussi trash, vous. Hein. Mais c'est l'actualité qui vous guide. Mais la Grande-Bretagne est plus trash que moi. Oui, c'est ça, vous avez raison. En tout cas, n'hésitez pas à commenter cette info que nous partageons avec vous sur la page Facebook de C'est Presque Sérieux. Je rappelle, qui sera le 13 000e? Vous prenez cette émission en cours, et bien le 13 000e fan sur la page Facebook repartira avec une clé USB aux couleurs de la première, avec un Time's Up également, avec un sac. Bref, de quoi rendre fou ou folle Carole paquet qui me dit mais t'es fou, tiens, souvenez-vous, hier, journée un peu particulière, c'était la sixième journée du Flash Marathon. Vous vous souvenez de cette journée hein, où il fallait lever le pied un peu comme tous les jours, d'ailleurs on le répétera jamais assez, vitesse minimum, il fallait lever le pied, et puis si vous faisiez flasher, ben c'est ce que je me suis posé comme question. Réponse tout de suite, on appelle un commissariat. Et pendant ce temps-là. C'est presque sérieux. Bienvenue au commissariat de la Wallonie-Liège-Centre. Nous nous occupons de votre appel dans un instant. Wallonie-Liège-Centre, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour un petit renseignement. Oui. Voilà, j'ai été flashé. Oui. J'ai reçu la photo et elle est floue. Oui. Savoir si on peut pas la refaire. Oh, ça monsieur, il faut vous adresser au service qui vous a, je vais dire, pris en infraction, noté au-dessus, je suppose. Ouais, vous pensez que c'est possible de la refaire ou pas? Oh, je sais pas. C'est la première fois que j'entends ça. Donc, leur poser la question à eux. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à verbaliser? Je vais la refaire, c'est pas un souci, quoi, dans l'absolu. Oui, mais c'est qui a verbalisé? Bonne question, si j'ai pas le document devant moi. Ah, vous n'avez pas le document? Non, j'ai reçu la photo. Ben, elle est un peu floue, donc je me dis, je peux la refaire, je retourne au même endroit et je la refais. Ben voilà. Ah, ok, d'accord. Ça va? C'est gentil, voilà, merci. Au revoir. C'est presque sérieux sur la première. Walid jusqu'à 17h30. La police veille. Ah oui, on vous incite à Ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent Wallonie, Liège, Centre. Oui. Ah, mais on a choisi au hasard, hein, ça aurait pu être un autre commissariat. Ah oui, on les embrasse d'ailleurs, nos amis Wallonie, de la police qui nous écoutent. Ils sont nombreux à nous écouter et ils n'étaient pas au courant qu'on était en train de les piéger. Ils ne sont pas contraires en tout cas. Maintenant, ils le sont. Bon, on les embrasse tous et toutes et on va embrasser celui qui est avec nous, notre presque star du jour. Vous le savez, nous mettons en avant des anonymes qui font parler d'eux dans la presse. Pour quelle raison parle-t-on de Dany que nous accueillons? Bonjour Dany. Oui, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ah Dany, on parle de vous dans la presse. Et pour quelle raison? Eh bien, on va le déterminer dans un instant d'après les questions que nos chroniqueurs vont me poser. Je ne répondrai à leurs questions que par oui ou par non. Attention, top départ. Est-ce que Dany dessine des madames toutes nues? Ah non, c'est pas l'illustre Dany. Non, c'est pas lui. Est-ce qu'il fait quelque chose dans l'associatif? Il fait quelque chose dans l'associatif. Est-ce que c'est un but commercial? Non, c'est pas un but commercial. Est-ce qu'il a été viré de chez Caterpillar et venait de retrouver un job chez ING? Non. Fait quelque chose que vous avez peut-être déjà fait dans votre vie, à un moment ou un autre, en tout cas si vous aimez la forêt. Il cueille des champignons, c'est cueille un spécialiste. Des champignons. Spécialiste. Tire sur les oiseaux, non, je vais vous faire écouter un indice. Écoutez l'indice. Une balade. Ah, les moniteurs. Non. Les scouts. Une visite en forêt. Le scout, c'est un autre indice. Il tire sur les scouts. Non, je vous donne un deuxième indice, écoutez. Allons visiter aujourd'hui une société de location de Ananine. Il loue des scouts, non. Il loue des endroits pour loger les scouts. Non, il ne loue pas des endroits pour loger des scouts, c'est presque ça. Mais les scouts dans les arbres. Où loge les scouts? Dans les arbres? Non. Dans les tentes. Et il donc, loue des tentes. Qu'est-ce qu'il peut faire avec des tentes? Ouf. Il est camping, il nettoie, il fabrique. Vous taisez. Attention, dernier indice, écoutez le dernier indice. Dernier indice, attention, il y va. Ça se passe très dans la forêt, très noir. On entend, il n'y a pas de bruit de fond. Ah, il tire sur des scouts, c'est bien. J'écris des histoires. C'est une machine à coudre. Il fabrique des tentes. Coup des tentes. Il recoue, il fabrique des tentes, bien joué. Contremaître au centre de prêt de matériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Nanine. Les seuls d'ailleurs à coudre des tentes scouts en Belgique, n'est-ce pas, Dany? Oui, tout à fait. Alors, si votre enfant est inscrit dans un mouvement de jeunesse, eh bien, il participera sans doute à un camp, les prochaines vacances. D'ailleurs, il y en a eu récemment. Alors, où et comment fabrique-t-on les tentes qui abritent les scouts, guides ou pas trop? Eh bien, vous avez la réponse pour nous, Dany, chez vous? Oui, tout à fait, chez nous autres, au centre de prêt matériel de Nanine. Et vous faites ça depuis combien d'années? Moi, ça fait 30 ans. Mm-hmm. Nous avons des équipes qui sont spécialisées à la fabrication, parce qu'on ne fait pas que de réparer, on fabrique aussi les tentes. Mmh. Donc chaque année, on fabrique 125 tentes juniors et 50 tentes seniors. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une concurrence déloyale avec ces magasins? Voilà, il ne fallait pas que je dise la marque et vous la donnez. C'est pas des tentes militaires que les scoutons, c'est un faux mot qu'on dit des tentes militaires? Non, pas du tout, non. Les MJS ou un nom comme ça. On a fabriqué depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que j'ai décousu une tente, une vieille tente qu'on avait, et j'ai fait ça, et puis on l'a fabriqué. C'est le dépaisseur de mon. Alors, dites-moi, le poids d'une tente classique. Oh, 75 kilos, mais bon. Ouais. Non, mais j'ai le chiffre devant moi, vous serez bien étonné. Si vous la videz, c'est plus léger. Toile traitée anti-incendie, combien pèse une tente? 90 kilos. 90 kilos. Ah, oui. C'était une grosse tente. Alors, la durée de vie moyenne d'une tente? 78 ans. Ça dépend du pays, en Arabie Saoudite, c'est beaucoup moins. En général, le temps d'une tente est quand même un peu moins qu'une vraie tente, 30 ans en fait. 30 ans, la durée moyenne de vie d'une tente, une toile verte qui fait donc entre 15 et 25 cm carrés. Alors combien de temps il faut pour fabriquer une tente? Et c'est facile à démonter. Non, mais on va être sérieux 30 secondes. On est sérieux. Non, mais oui, mais attendez. Il faut combien de jours pour faire une tente complète? Une journée. 9 mois. Une journée. Alors, vous ne prêtez pas que des tentes? Non, nous avons du matériel aussi audiovisuel. Mm-hmm. Donc, qui consiste à tout ce qui est scénique, appareil photo, prise de vue, des micros, des mégaphones, tout ce qui touche à la sonorisation public adresse. Enfin, alors, voilà. Juste pour avoir une idée, une tente classique, ça coûte combien? Une tente classique, nous autres, le prix de revient, ça revient à 2500 euros. Ah, quand même, oui, 2500 euros. Ouais. Je rappelle que donc, vous êtes au centre de prêt de matériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Nanine. Vous êtes contremaître à ce centre de prêt. Dany, vous étiez notre presque star du jour, un centre qui prête gratuitement, mais il faut s'y prendre à temps. Ce bâtiment est très bizarre, il est de toutes les couleurs, il est affreux, caché au milieu de la forêt. Mais n'hésitez pas à vous rendre sur le site avec le catalogue, puisqu'il n'y a pas que des tentes à louer. On mettra d'ailleurs toutes les informations sur la page Facebook de l'émission et sur le site de la première. Merci Dany d'avoir joué le jeu notre presque star. Et on vous embrasse, restez presque sérieux. On poursuit cette aventure avec Cynthia Isarelli, avec qui nous allons pénétrer dans le futur. Oui. Pas dans la tente. Et pas dans la tente, hein, forcément. Restez avec nous, nous sommes presque sérieux sur la première. A tout de suite. On vous crève à la tâche. Et... franchement, voilà. C'est presque sérieux sur la première. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai, quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où le voulez. Du 3 au 22 octobre, c'est les prix Qualité Pro spécial isolation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, la plaque de plâtre 2,60 m, 2 bords amincis, épaisseur 9,5 mm, est à 2,39 euros le mètre carré. Alors profitez-en. Gagnez en savoir-faire. 2,39 euros le mètre carré, soit 3,73 euros la plaque largeur 60 cm, 7,46 euros largeur 120 cm. Mieux on connaît le monde, mieux on s'exporte. Alors, en Inde, comme dans d'autres pays, on vous dira jamais non de façon directe, même dans le business. On vous dira oui, oui, oui, mais. Vous comprenez? Oui? Non, vous voulez dire oui, oui ou oui, mais? Quoi? Avec Bruxelles Investi Export, un monde de perspectives s'ouvre à vous. Conseils personnalisés, contacts sur tous les continents, missions économiques, aide financière. Découvrez une force d'action unique pour les entreprises bruxelloises sur bruxellesinvestexport.be. Bruxelles Investi Export, créateur de perspectives. Retrouvez la vie économique sur la première chaque jour du lundi au samedi. L'économie nationale, internationale et la bourse, décryptée par les spécialistes. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales. Jusqu'au 31 octobre, achetez une voiture d'occasion BMW Premium Selection et profitez d'une garantie prolongée jusqu'en 2020. Plus d'infos sur bmw.be. La première. Mobile Info. 17h22, que se passe-t-il sur nos routes? Réponse avec Pierre Collard-Bovy. On a toujours des ralentissements assez conséquents dans Bruxelles, mais c'est assez habituel, malheureusement. Sur le Ring de Bruxelles, 18 minutes, c'est descendu. 18 minutes supplémentaires pour l'intérieur, Zavedem, Carrefour, Léonard. Plus 16 minutes pour l'extérieur, Grand Billard au titre. Et plus 15 minutes pour l'intérieur, Carrefour, Léonard au titre. Circulation dense sur le Ring, mais habituelle également. Le plus grave, c'est l'accident sur le. Enfin, le plus grave, le plus important, c'est l'accident sur le 19 Mons-Bruxelles, à hauteur de Nivelles Sud. Le passage est difficile, vous perdez 40 minutes en direction de Bruxelles. Il y a encore quelques ralentissements également dans l'autre direction, donc vers Mont-Sud à la Curiosité. Gros embarras de circulation dû à des travaux sur le petit ring de Charleroi. Il faut dire que la 503 vers le ring 9 de Charleroi est fermée à la circulation. Ceci explique cela. Ralentissement engendré par des travaux sur le 40 Liège-Bruxelles à hauteur de Christnay. La circulation est ralentie en direction de Bruxelles. Et puis accident encore sur le 40 au centre de Bruxelles à hauteur de Wetteren. Bande de gauche encombrée, 15 minutes perdues en direction de Bruxelles. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Caterpillar, ING, les autres, oui, l'hémorragie des emplois devenus obsolètes semble ne plus devoir s'arrêter. La faute à qui, ma bonne dame? À qui? Bien la faute aux machines, ces vilaines machines qui viennent chez nous voler le travail des honnêtes gens. Mais peut-être n'est-il pas trop tard pour inverser la vapeur. C'est reparti pour un nouvel épisode de Peut-être une fois dans l'histoire. Nous sommes le 4 octobre 2067, la Belgique va mal, mais bon, pas plus que d'habitude. Aujourd'hui est un grand jour pour la République travailliste de Belgique. Les chiffres officiels du Grand Bureau ont été publiés et ça y est, après 50 années d'efforts, le plein emploi est atteint. Le grand secrétaire Edebo, père de la nation, a d'ailleurs tenu à annoncer lui-même la bonne nouvelle au peuple, proclamant pour l'occasion un demi-jour férié de fête nationale. Les camarades ont afflué de tout le pays pour être présents en masse sur la place Saint-Lambert et tous avaient vêtu leur bleu de travail du dimanche et porté en brassard le petit foulard rouge étoilé, symbole des grands rassemblements de fête. Mes amis, que d'émotions. Ensemble, les camarades ont scandé les devises de la République. Les gens d'abord, pas le profit. Et aussi, le travail, c'est la santé et plus c'est pénible, mieux c'est. Ensuite, le père Edebo est apparu au balcon du Grand Palais Coquerel pour un discours très émouvant qui a retracé l'histoire de la République travailliste de Belgique depuis sa fondation en 2017. Il aura fallu en effet la force et la vision d'un grand leader pour oser se dresser tel David devant Goliath face aux diktats du progrès, du profit et de l'électronisation qui engloutissaient les emplois et le pouvoir d'achat des travailleurs. Porté par le peuple, le grand secrétaire, alors jeune et fringant, car aujourd'hui il a 92 ans, a réussi un putsch mémorable qui a bouté le capitalisme hors de nos frontières. Oui, comme l'Islande jadis, Raoul Edebo a congédié les banques et leurs ordinateurs, remettant l'emploi aux mains du petit peuple, qui a eu tôt fait de reprendre possession des guichets et des agences pour les gérer de façon humaine et raisonnable. Naturellement, la révolution ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin. En 2018, ce fut le haro sur les self-scans des supermarchés qui volaient le travail des honnêtes caissières et sur les usines automatisées qui avaient remplacé tant d'honnêtes ouvriers sur les chaînes de montage. Puis vint le tour du géant Google et de ses emails qui opposaient une concurrence déloyale à nos honnêtes facteurs, mais aussi des laboratoires pharmaceutiques dont les vaccins empêchaient les gens de tomber malades, ôtant le pain de la bouche de nos médecins. Exit les portes automatiques qui volaient l'emploi des portiers. Exit les voitures personnelles qui empêchaient les chauffeurs de taxi de travailler. Chauffeurs de taxi qui eux-mêmes furent interdits car ils constituaient, rappelons-le, une menace pour les conducteurs de diligence et les coursiers à vélo. Ne vous énervez pas. Enfin, n'interrompez pas le progrès. Enfin, l'interdiction pure et simple de toute forme d'énergie verte en 2035 a permis à la République travailliste de Belgique de ressusciter le fleuron de son industrie, oui, l'extraction du charbon. Alors certes, aujourd'hui, tout le monde est pauvre, mais pauvre comme Job, Job, Job. Le travail pour tous, de 7 à 77 ans, le PTB l'avait promis, le PTB l'a fait. Bienvenue en 2065, longue vie à la République travailliste, et surtout, surtout, ne dites plus jamais que le progrès, c'est l'avenir. À une plongée futuriste dans notre histoire avec Sylvie Enfin, Zarelli. Des gens de droite dans cette émission. Une chronique et une émission à podcaster sur le rtbf.be/ovio. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Pierre Charette. Ça fut un plaisir. Merci Florence Mendes. Merci Sylvie Zarelli. Merci Vincent. Merci Raoul. Merci, et nous serons de retour demain, mercredi, pour passer une nouvelle fois bien au crible l'actualité, au scanner de l'impertinence. Oui, nous sommes presque sérieux, nous le serons d'autant plus demain entre 16h et 17h30. Ravi d'avoir passé cette fin d'après-midi avec vous. L'après-midi se poursuit avec bien l'information sérieuse. Elle est signée à notre cher Arnaud Reussen qui vous propose l'information. C'est à soir première. Rendez-vous demain, 16h. Passez une belle fin d'après-midi. À demain. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure, à 20h, Le Monde est un village. Notre invitée ce soir sera la chanteuse capverdienne Loura. Nous parlerons avec elle de son dernier disque, Eranza, et elle nous soumet ses propres chansons et en répertoire aussi d'œuvres d'auteurs-compositeurs capverdiens. C'est à écouter ce soir, 20h. Le Monde est un village. De 20h à 21h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. La première présente les DS Brussels Fashion Days, le rendez-vous mode de l'année. Du 14 au 16 octobre, la mode belge vous invite au Square Brussels Meeting Centre pour 4 grands défilés, un pop-up de 30 créateurs, la présence des 10 écoles belges, des beauty bars et une after party par les soirées Love. Prévente ticketmaster.be avec DS Automobile et la Loterie Nationale. Mieux on connaît le monde, mieux on s'exporte. Alors, figurez-vous qu'en Chine, quand vous offrez un cadeau, la tradition veut qu'il soit mis de côté sans être ouvert. Oui, même un bon ballotin de praline, ils arrivent à se maîtriser et à pas l'ouvrir. Hein. Ils sont forts, les Chinois. Avec Bruxelles Investi Export, un monde de perspectives s'ouvre à vous. Conseils personnalisés, contacts sur tous les continents, missions économiques, aide financière. Découvrez une force d'action unique pour les entreprises bruxelloises sur bruxellesinvestexport.be. Bruxelles Investi Export, créateur de perspectives.